Ce soir sur le ring, à ma droite, Vilos, et à ma gauche, Aurélie. Bon, je vais vous laisser entre guitare et roue parce que là, moi, je vais pas suivre. Cherche Titi, il est où Titi? Thank you.